Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La pénurie de carburant observée ces derniers jours a été due à un problème de connexion Internet des services de l'Office burundais des recettes, ce qui a retardé le dédouanement des quantités apportées par des camions-citernes stationnés depuis plus de 2 jours à Kobero. C'est l'explication donnée tout à l'heure par le ministère de l'Énergie en charge de la gestion des carburants. Et il se tient depuis ce matin à Bujumbura la 6e conférence sur la santé qui regroupe les pays de la communauté est-africaine. Nous serons en ligne avec notre consoeur Mireille Kanyang pour plus d'informations dès le début de ce journal. Et le gouverneur de la province de Bobanza interdit aux administrateurs de son ressort de donner des cartes nationales d'identité aux jeunes filles non accompagnées par un de leurs parents. Au cours d'une réunion de sécurité hier, il a été constaté qu'il devient difficile de sanctionner des actes de prostitution avec des filles visiblement mineures alors qu'elles ont des cartes valides. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, il se tient à Bujumbura, la 6e conférence sur la santé. Cette conférence regroupe les pays de la communauté de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en ligne avec Mireille Kanyang. Mireille, bonjour. Et quel est l'objectif de cette conférence, Mireille? Oui, bonjour Jean-Rosco. Eh bien, l'objectif de cette conférence, c'est au fait une conférence en matière de recherche scientifique et en matière de santé au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est aussi une occasion d'exposer les produits de santé. C'est une 6e conférence de ce genre. Est-ce que tous les pays sont représentés? Eh bien, on participait à cette conférence, cette 6e conférence, provenant évidemment du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, sauf le Sud-Soudan. Et sur quoi les intervenants dans cette conférence ont-ils insisté jusque maintenant? Eh bien, lors de son discours, la ministre burundaise de la Santé, Josiane Nijimbere, a plaidé pour l'établissement rapide au Burundi du siège de la commission des chercheurs en santé au niveau de l'EAC, une idée soutenue par la représentante du Conseil des ministres de la Santé au sein de la communauté est-africaine. Et à son tour, le président de la République du Burundi qui a ouvert les travaux a de 3 jours à apprécier la tenue de cette 6e conférence au Burundi. C'est un message fort que la paix et la sécurité règnent au Burundi, a martelé le président Pierre Nkurunziza. Merci Mireille pour toutes ces informations. Restez là pour nous, vous nous donnerez d'autres détails dans nos éditions de la soirée. Dans la suite de ce journal, les administrateurs des communes de la province de Bobanza ne sont pas autorisés à octroyer la carte d'identité aux jeunes filles qui ne seront pas accompagnées par un de leurs parents. Cela a été dit par le gouverneur de la province de Bobanza lors de la réunion de sécurité de ce mardi. Et cela fait suite aux lamentations de certains administratifs à la base et du procureur de la République à Bobanza qui déplorent le fait que certaines jeunes filles possèdent de fausses cartes d'identité qui causent des problèmes quand il faut sanctionner les actes de prostitution. Spécialitas Kabanyana pour les détails. Pas mal de personnes, des administratifs à la base et même des agents des instances judiciaires déplorent le fait que de fausses cartes nationales d'identité sont données surtout à certaines jeunes filles, écolières et élèves à partenaires multiples dans l'objectif de protéger leur partenaire parce que celui qui est attrapé avec une mineure n'est pas sanctionné de la même façon que celui qui est attrapé avec une fille adulte, comme l'a précisé le procureur de la République à Bobanza ce mardi lors d'une réunion de sécurité. Une fillette de 14 ans ou de 15 ans, par exemple, peut être en détention d'une carte nationale d'identité montrant qu'elle a 18 pour 20 ans, et les instances judiciaires se retrouvent dans la confusion totale lorsqu'il faut sanctionner ces hommes qui conduisent les jeunes filles dans la débauche. Certains des militaires du camp Mouzinda ont été dénoncés lors de la même réunion de gouverneur de Bobanza. De son côté, a interdit aux administrateurs de donner des cartes nationales d'identité à une jeune fille qui ne sera pas accompagnée par ses parents, qui devront honnêtement dire son âge, afin d'éviter ce piège de délivrer une fausse carte d'identité. Niyongabo a également signalé que même ces jeunes filles qui détiennent de fausses cartes d'identité doivent être sanctionnées conformément à la loi. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. La pénurie de carburant observée ces derniers jours a été due à un problème de connexion Internet des services de l'Office burundais des recettes, ce qui a retardé le dédouanement des quantités apportées par des camions-citernes stationnés depuis plus de deux jours à Kobero. Dans une déclaration de ce mercredi, le ministère de l'Énergie et des Mines, ayant la gestion du carburant dans ses attributions, recommande à tous les gestionnaires directs des stations-service de s'approvisionner partout où ils peuvent trouver ce produit, à défaut d'installer la mention fermée à leur entrée. Suivez le directeur général de la gestion du carburant au sein de ce ministère, c'est Daniel. Ces derniers jours, particulièrement au cours de la journée d'hier, mardi 28 mars 2017, il s'observe des files de véhicules autour des stations-service en quête d'approvisionnement en carburant. Le ministère de l'Énergie et des Mines voudrait informer que ce mouvement est consécutif, premièrement, aux difficultés de connexion Internet fréquentes ces derniers temps dans les services de l'OBR. Pendant deux jours et demi, de la semaine passée du 20 au 26 mars 2016, les camions ne pouvaient pas dépasser la frontière suite à des difficultés d'enregistrement. L'impact de ces pannes techniques se fait aussi observer au niveau du dédouanement des produits entreposés. Cela a brisé la chaîne d'approvisionnement, ce qui demande un certain temps de soudure. C'est consécutif aux contraintes liées au chargement et déchargement au niveau du parc pétrolier de Gitega. Ce dernier était en effet conçu uniquement pour le stockage des produits et non pour leur distribution, ce qui ne facilite pas l'activité. Ce problème n'est pas encore totalement résolu, malgré le stockage à la CEP par la société Interpétrole qui exploite actuellement ce parc. Le ministère de l'Énergie et des Mines, en collaboration avec les services de l'OBR, promettent de tout faire pour trouver solution aux problèmes récurrents de défaut de connexion Internet. Le cas échéant, des mesures d'assouplissement des procédures vont être envisagées pour sauver cette situation. Le ministère recommande aux gestionnaires directs des stations-service de s'approvisionner partout où ils peuvent trouver des produits conformément à la décision prise et qui a été communiquée aux différents fournisseurs locaux. Les stations qui n'auront pas été approvisionnées sont tenues d'installer la mention fermée à leur entrée et la réouverture sera conditionnée par une nouvelle demande d'exploitation. C'était Daniel Mitawakana, il est directeur général de la gestion du carburant au ministère de l'Énergie et des Mines. On passe maintenant au ministère du Commerce et de l'Industrie pour parler du prix du sucre qui a été revu à la hausse pour la deuxième fois pour s'ajuster au prix de la région de l'Afrique de l'Est dans le but de décourager une probable exportation de ce produit. C'est le directeur général du commerce, Sébastien Zimana, qui le dit et il espère que le prix du sucre connaîtra une baisse au cours de la prochaine campagne de production. Suivez-le au téléphone avec Placide. Le fait qu'on a augmenté le prix du sucre, on a voulu s'aligner à d'autres prix du sucre dans la région de l'East African Community. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous voulez faire face aux exportations du produit de la Sosomo qui sont probables au Burundi? J'ai pas de preuves, mais on soupçonne. C'est pourquoi on a voulu quand même essayer d'ajuster le prix pour essayer de démotiver les gens qui vont essayer d'exporter le prix. La marge a été comptabilisée au niveau de la loi budgétaire et quelle sera la finalité de ces 40 alors que ce n'est pas prévu dans la loi? Normalement, si ce n'est pas prévu dans la loi, il y a le conseil d'administration qui est autonome qui voit la nécessité d'augmenter, oublier d'ajuster le prix dans la sous-région pour démotiver les gens qui essaient d'exporter dans la fraude de l'exportation. Qu'en est-il avec l'importation du sucre que vous aviez promise au mois de janvier et février? L'importation est en cours. Il y a la commission qui est mise en place pour la réception. Des moments à l'autre, on vous fera au courant. On importe par l'eau. Il y a une partie qui est déjà sur place. On voit souvent qu'il y a toujours hausse des prix. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on aura une baisse? Oui, effectivement, il y a une baisse des prix puisque bientôt, au mois de juin, il y aura la campagne qui va commencer. C'était le directeur général du commerce, Sébastien Zimana. Rappelons qu'en moins d'un trimestre de l'année en cours, le prix du sucre a été revu à la hausse deux fois d'affilée. Le prix officiel du kilo de sucre s'achète maintenant à 2340, alors qu'en 2016, le prix officiel était de 1950 francs burundais. Et le chargé de la protection de l'environnement, Ngozi, rejette la demande de certains administratifs de couper toute la forêt de pinus se trouvant sur le mont Mukinya, à cheval sur les provinces de Ngozi et Kayanza. Ces derniers trouvent que cette forêt est nuisible à l'environnement. Les autorités de l'Office burundais pour la protection de l'environnement proposent plutôt d'abattre les arbres très vieux plantés le long de certaines routes du temps de la période coloniale. Apollinaire Muzagara pour les détails. Les responsables administratifs proches de cette montagne indiquent que les pinus causent la désertification. Là où ils sont plantés, il ne reste que des cailloux qui, pendant la saison pluvieuse, sont emportés par l'érosion, endommageant ainsi les champs maraîchers. Le représentant provincial de l'Office burundais de protection de l'environnement rejette cette demande. les arbres ont été plantés sur un sol nu très caillouteux. Et n'eût été ces arbres, toute la montagne serait dans les marais, explique cette autorité provinciale. Mirkiad Nziga Massaro ajoute même que cette forêt est plutôt composée en grande partie par une autre espèce dite Kalidri. Quant aux administrateurs communaux du nord du Burundi qui proposent l'abattage des vieux arbres plantés sous la période coloniale, arbres qui causent des accidents pendant la saison pluvieuse, le directeur général de l'OBPE dit lui aussi en être au courant. Samuel Ndayiragije promet de le soumettre aux autorités hiérarchiques en vue de remplacer ces arbres. Les recettes de cet abattage pourraient renflouer le trésor public et non les poches de certains administrateurs communaux, a-t-il dit lors d'une réunion de sensibilisation de ces derniers en vue d'œuvrer pour la protection de l'environnement jusqu'à la colline. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Parlons maintenant de cette grève qui se passe à l'Université du Burundi. Certains étudiants de cette institution académique demandent d'être renseignés sur le lieu d'incarcération de leurs condisciples qui auraient été arrêtés dans l'après-midi de ce mardi. Ils craignent que cela ne soit une stratégie de les intimider pour les amener à relâcher sur leurs revendications au sujet du nouveau décret présidentiel instituant la pré-bourse. Ils refusent d'être interpellés un à un, mais d'être appelés collectivement comme ils l'ont fait en apposant leur signature sur la correspondance adressée au président de la République, suivait un de leurs représentants. Et hier à 14h, nous étions aux environs du campus Mutanga parce que répondit à l'appel et l'interpellation. Et puis nous avons entendu un certain délégué de la faculté de sciences et de gestion économique, bac 3 en comptabilité et finance. Cet étudiant, il était arrêté par les gens que nous ne connaissons pas. Jusqu'à maintenant, nous nous demandons où est-ce qu'il est. D'abord, comme nous l'avons répondu à l'appel, les deux étudiants parmi nous, et ils sont entrés et ils ont demandé de remplir une fiche qui renseigne nom et prénom, téléphone, résidence actuelle, confirmation de ce que nous avons signé. Après avoir entendu cela, nous avons refusé de continuer ce processus parce que nous avons mal accueilli ce processus, parce que tout ce que nous avons fait, c'était par consensus avec nos étudiants. Pour que nous puissions continuer à signer, il faut d'abord consulter les étudiants qui nous ont envoyés. C'était un des représentants des étudiants de l'Université du Burundi, le directeur adjoint chargé de la sécurité à l'Université du Burundi, dit ne rien savoir au sujet de l'arrestation de cet étudiant. Au passant, Célestin Nibonabonasizé précise que l'interpellation des signataires de la correspondance adressée par ces étudiants au président de la République s'inscrit dans le cadre d'une enquête et qu'ils doivent répondre un à un. Il est 13h09 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, le manque de volonté politique, c'est l'un des défis pour l'usage de la monnaie unique au sein de la communauté Comesa. Ce sont là certains points de vue émis par les gouverneurs des banques centrales des pays membres de cette communauté Comesa ce mercredi lors d'une réunion de 4 jours qui a débuté à Bujumbura ce lundi 27 mars. Alors Charles Makoto, tu viens de me rejoindre dans ce studio. À quand est projetée l'utilisation de la monnaie unique dans la communauté économique des pays de l'Afrique orientale et australe et quelles sont les raisons avancées pour justifier ce report? Oui, Jean Bosco, l'utilisation du monnaie unique est aujourd'hui projetée à l'an 2030 pour les simples raisons qui sont non-adéquation des critères. Pour certains, les critères doivent impérativement suivre le niveau de développement de chaque pays. Pour d'autres, ils pensent que ce n'est pas le moment opportun parce qu'il y a des divergences au niveau monétaire et au niveau du développement de chaque pays. Comme le président mauritanien, le gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, lui, pense que ce n'est pas uniquement le manque de volonté politique, mais qu'il faut également harmoniser la situation économique de chaque pays et tenir compte du niveau de développement de chaque pays. Le gouverneur du Banque centrale de la République démocratique du Congo, lui, demande qu'il y ait évaluation et harmonisation des défis. des défis rencontrés dans la mise en œuvre de ce programme. C'est ce qu'on peut dire en bref pour ce qui est en train d'être discuté à l'hôtel Club du Lac Tanganyika. Merci Pascal, merci pardon Charles Makoto, vous voudrez bien m'excuser pour ce lapsus, c'est parce que tout simplement je vais parler de, nous allons suivre ce reportage de Pascal Nioyangonze, et c'est à propos des propriétaires des maisons de parcelles situées à Gasseigne dans la zone où sera construite l'extension du palais présidentiel qui demandent l'intervention du chef de l'État dans leur doléance relative au dédommagement, et c'est au moment où il ne leur reste que 2 jours seulement pour dégager de ce site selon l'ultimatum du ministère de l'environnement, Pascal Nyuhanze. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu n'ukuri yibuke ko nawe ari umukenyezi nkatwe arabe ko hari ico yodufasha mu kutuvugira ku mukuru w'igihugu. C'est l'indignation de l'une des femmes parmi les habitants de Gasseigne qui s'étaient rassemblés dans leur parcelle pour discuter sur leur sort. On leur a intimé l'ordre de quitter les lieux avant le 31 de ce mois de mars. Leurs préoccupations ont été soulevées dans des réunions organisées à leur intention par le gouverneur de la province de Bujumbura, expliquent certains d'entre eux. Lors d'une réunion tenue à Gatumba, il a été clair qu'ils n'ont pas encore bénéficié des indemnisations, nous ont-ils indiqué. Lors de cette réunion à Gatumba, le gouverneur de province leur a alors promis que leur question sera minutieusement étudiée. Mais à leur grande surprise, lors de la réunion tenue ce lundi à Issare, le même gouverneur leur a expliqué que la décision de dégager ce périmètre ne changera pas. Ces habitants supplient la famille présidentielle. Ils demandent surtout la révision de cette mesure, de les chasser de leur parcelle avant de bénéficier des indemnisations. Cette population demande également au président de la République de poursuivre la traçabilité des frais débloqués pour leur indemnisation afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Contacté à propos, le gouverneur de la province de Bujumbura, Mme Nadine Gachuti, indique que ses habitants doivent impérativement quitter cet endroit avant la fin de ce mois de mars. Merci Pascal Nion et Angonze. Deux nouvelles brèves de sécurité. Et avant de nous séparer, un certain Diokoubaye Filbert alias Kabila, militant du FNL, a été arrêté ce matin sur son lieu de travail à l'OBR, précisément au building Emmaüs à Kigobe. C'est un agent du service national de renseignement du nom de Mbonihangwe Félicien qui l'a conduit vers une destination inconnue. Et deux femmes, sœurs du chef-lieu de la province de Ngozi, sont portées disparues depuis ce lundi. Jeanne Aline Mbazumutima, enseignante au lycée de Don Bosco, et Nadine Kabatoni, avocate, auraient été enlevées par des personnes qui restent toujours inconnues. Ces femmes rentrées de la frontière burundo-rwandaise où elles avaient accompagné leurs parentés qui partaient pour Rwanda. La police dit ne pas être au courant de cet enlèvement et les familles de ces femmes demandent la contribution de tous en vue de retrouver les leurs. Il est 13h14 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. La pénurie de carburant observée ces derniers jours a été due à un problème de connexion Internet des services de l'Office burundais des recettes, ce qui a retardé le dédouanement des quantités apportées par des camions-citernes stationnés depuis plus de 2 jours à Kobero. C'est l'explication donnée tout à l'heure par le ministère de l'Énergie en charge de la gestion des carburants. Et vous l'avez suivi, il se tient depuis ce matin à Bujumbura la 6e conférence sur la santé qui regroupe les pays de la communauté est-africaine. Et le gouverneur de la province Bubanza interdit aux administrateurs de son ressort de donner des cartes nationales d'identité à des filles non accompagnées par un de leurs parents. Au cours d'une réunion de sécurité hier, il a été constaté qu'il devient difficile de sanctionner des actes de prostitution avec des filles visiblement mineures alors qu'elles ont des cartes valides. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Placide Niomongere pour sa réalisation. Merci également à Jean Dodieu pour sa mise en onde. Au micro, Jean Bosco de Wimana. On se retrouve dans nos rendez-vous de l'après-midi.